Dédicace de l'épouvante. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'épouvante de Maurice Level. À ma sœur Madeleine Level. Ma chérie, je te dédie ce livre en souvenir du temps où tu m'encourageais, avant tous et contre tous, à écrire. M'acquittant ainsi de cette vieille dette de reconnaissance, je suis sûre d'être approuvée par papa et d'obéir à la pensée de celle qui, jusqu'à la fin, nous voulut, toi, Marie et moi, unis par une tendresse fraternelle impérissable. Maurice Level. Fin de la dédicace. Enregistrée par Ezoie en Belgique en août 2010.